Permettez-moi de l'étirer encore un peu ce matin. Jean-Claude, la semaine dernière, s'est volontairement restreint pour pas trop élaborer sur un certain verset sur lequel je vais élaborer ce matin, moi. Mais en fait, j'espère pas moi. Alors vraiment, ma prière à Dieu, c'est que vous ne voyez pas le messager ici. Mais de toute façon, c'est seulement que par le Saint-Esprit que le message peut passer. On est vraiment emprisonné hein, dans le langage humain, dans la complexité du cœur humain. Mais Dieu, lui, est tout puissant. Au-dessus de ça. Et vraiment, j'espère que vous allez discerner, croire que Dieu parle à travers moi. OK. Aujourd'hui, dans notre monde, on entend souvent une image, celle du bouton noir, dans un sens très positif. Par exemple, être un bouton noir, ça veut dire se distinguer, se démarquer, être capable d'aller à contre-courant, avoir un esprit indépendant, libre. Hein? Est-ce que vous voyez qu'il y a souvent cette connotation-là avec mouton noir, que c'est pas simplement, en fait, je l'entends pas souvent pour dénigrer quelqu'un d'anticonformiste. Au contraire, aujourd'hui, ça met en valeur quelqu'un qui est, qui se distingue dans le bon sens. Ouais, mais ça, c'est un cas particulier, une marque d'affection, qui n'est pas du tout ce dont je suis en train de parler. Il y a beaucoup d'orgueil associé à ça. C'est un terme qui flatte notre orgueil et qui valorise celui auquel il est appliqué. En ce qui concerne l'Église, le corps de Christ, on doit être tout le contraire de mouton noir entre nous. De Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le sens à donner au mot sentiment, ça ne s'arrête pas à « feeling ». En fait, 1 Corinthiens 1, 10, parce que c'est intéressant, la dernière lettre aux Corinthiens finit avec ça, finit à peu près avec ça, mais la première lettre commençait à peu près aussi avec ça. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On commence peut-être à avoir un peu plus une idée de ce que veut dire le mot sentiment. Je vous le lis dans une autre traduction. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous même langage, qu'il n'y ait point parmi vous de division, soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. ça commence à devenir un peu plus dérangeant que feeling, à mon avis. Avoir une même pensée. Tenir un même langage. Pensez bien ce que ça peut vouloir dire. Ce matin, le but que je vous propose, c'est qu'on comprenne l'appel de Dieu, qu'on soit convaincu qu'on est appelé par Dieu à avoir une même pensée et qu'on comprenne qu'est-ce qui est le prix à payer pour avoir une même pensée. Je répète, qu'on soit convaincu que Dieu nous appelle à avoir une même pensée et qu'on comprenne quel est le prix à payer pour avoir une même pensée. Je voudrais élaborer un peu sur l'appel qui nous est fait dans la parole de Dieu. 1 Pierre 3:8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Hein? Animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Philippiens 2, 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est tous des impératifs, ça, hein? Je pourrais le lire, ayez un même sentiment, ayez un même amour, ayez une même âme, ayez une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On parle beaucoup d'unité depuis quelques années. Je peux pas redire tout ce qui a été dit. Ici, on a l'aspect même pensée. Vivre dans la paix. Vivre dans la paix n'est pas simplement ne pas avoir de mauvais feelings les uns envers les autres. C'est pas ça, vivre dans la paix. Ah, je peux me contenter de pas avoir de conflits. Oui, il faut qu'on règle nos conflits. Mais juste ne pas avoir de conflits n'est pas avoir une même pensée. Ici, c'est un ordre qui nous est donné. Et c'est celui de rechercher activement de tout notre être, le plein accord. Dans le corps de Christ. Rechercher activement. Pas juste éviter les conflits. Rechercher activement le plein accord. Le modèle auquel on s'attache, Jésus-Christ, le modèle qu'on veut imiter, celui à l'image duquel on va être transformé, mais si on s'attache ici tous à suivre le même modèle, qu'est-ce qu'on va devenir les uns par rapport aux autres? On va devenir semblables. Pas des moutons noirs. On devient tous des petits agneaux purs, sans tache, comme et qui se ressemblent. pour nous aider à suivre le modèle de Christ. Dieu a pourvu l'Église d'un modèle visible en chair et en os. On peut les imiter en toute confiance parce qu'ils imitent eux-mêmes Christ. Pas juste on peut. La parole de Dieu n'est pas « vous pouvez imiter ». C'est beaucoup plus impératif que ça. 1 Corinthiens 4, 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Imiter un modèle, oups, ça semble relié à son enseignement ici aussi. Est-ce que vous avez saisi qu'il y a un lien avec l'enseignement? Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ah oui, oui, mais c'est Paul, il était apôtre, là. Ça s'arrête aux apôtres, là, ça, là. 1 Pierre 3, 8. Paissez le troupeau. C'est aux anciens que ça s'adresse. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Dieu a établi les anciens modèles du troupeau. Ils sont aussi à imiter. Hébreux 13, 17. C'est à nous que ça s'adresse envers les anciens, les conducteurs. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence. C'est intéressant que ça soit pas un mot qu'on utilise couramment parce que ça nous oblige, si on veut vraiment saisir, à le chercher. J'y reviendrai. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Déférence, là, c'est le sens de soumission. L'obéissance, c'est proche, là, mais l'obéissance, c'est plus le résultat, c'est l'acte. Et l'obéissance peut être l'effet de la soumission, mais pas obligatoirement. Tandis que la soumission découle toujours dans l'obéissance. C'est vraiment l'attitude de cœur, la soumission. L'obéissance, c'est le geste qui va en découler. Mais il peut être mal motivé aussi. Ça peut être autre chose que la soumission. Ça peut être la contrainte qui amène à l'obéissance. Dans ce cas-ci, obéissez par déférence, par soumission. Pourquoi je mets ces passages-là ensemble? Parce que tenir un même langage, avoir une même pensée, ça a tout à voir avec la façon dont on reçoit l'enseignement qui nous est donné. L'enseignement de ceux que Dieu a établi comme modèle de son troupeau, que Christ a établi comme modèle de son troupeau. Ceux à qui nous sommes échus en partage, qui doivent rendre compte de nos âmes. Inutile de parler de soumission si je ne reçois pas un enseignement. Si je refuse un enseignement. Mais c'est quoi refuser un enseignement si ce n'est pas être en désaccord. Je vais le dire sans négatif, là. Refuser un enseignement, Être en désaccord, c'est refuser un enseignement. Et ne pas le régler, évidemment, rester dans le désaccord. Mais je suis qui, moi, pour dire ça? J'ai été payé par les anciens. Menacé. Contraint. Non. J'ai été interpellé par la parole. Moi, je suis introverti de nature. Quand je suis en désaccord, je fuis. Je cache mon désaccord. Naturellement, c'est ça ma tendance. J'évite le conflit. Je ne cherche pas à m'exprimer. Pas m'exprimer dans le sens où le monde l'entend, là, mais je ne cherche pas le plein accord. Je préfère éviter. Et quand je dis ça, avoir une même pensée et que j'étudie là-dessus, ben, ça m'interpelle. Il y a un prix à payer pour moi, qui est celui de dialoguer, de m'exprimer, de me faire comprendre, de chercher à comprendre, de chercher avec zèle le plein accord. Et avec soumission aussi. Mais il n'y a pas juste les introvertis comme moi qui ont un prix à payer. Tous, on a un prix à payer. Les extrovertis, eux, ils n'ont pas de misère en général à s'exprimer. Ce qui est plus difficile, c'est de prendre une respiration puis d'écouter. Excusez-moi, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais quand même, j'espère que vous le voyez, une tendance qui est vraie. Juste avec les versets qu'on a lus, j'espère au moins que vous êtes d'accord que ce n'est pas un sujet anodin. C'est dans les Écritures. Ça y est, abondamment. Et c'est un ordre pressant. Qu'on ait une même pensée. Qu'on tienne un même langage. Qu'on ait les mêmes sentiments. Qu'on se mette d'accord. Activement. Parce que je vous rappelle, le but que je vous propose, c'est qu'on soit convaincu qu'on est appelé à avoir une même pensée, qu'on comprenne le prix qu'il faut payer pour y arriver. Quelques exemples pour nous aider à réfléchir à des situations. Un conflit dans l'Église. Dans l'Épître aux Philippiens, on apprend qu'il y a un conflit entre deux personnes, au moins, deux femmes, Évodie et Saint-Tiche. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, collègue est peut-être un nom propre, on n'est pas certain. Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Deux sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont combattu pour l'Évangile, mais qui ne sont pas d'un même sentiment. L'appel qui est fait à fidèle, au fidèle collègue, si c'est son nom, je ne sais pas si c'est juste une appellation. Je te prie de les aider. Les aider. D'aller pelleter leur entrée, de faire quoi au juste? Non, les aider à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Vous voyez des frères qui ne sont pas d'un même sentiment? Frères, sœurs, quel est l'appel? aidez-les à être dans le même sentiment dans le Seigneur. Vous pouvez pas les ignorer, hein, c'est pas une mésalliance. Bon. C'est pas la première fois qu'on en parle. Les Corinthiens. Est-ce qu'ils avaient un même langage et une même pensée? Si on se souvient de la première lettre. Qu'est-ce que j'entends? J'entends dire par les gens de Chloé. Quoi? Les divisions. Mais c'est quoi exactement? Parmi vous, ouais, mais... Hein? L'un dit, moi je suis de Paul, l'autre, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ, esprit parti. Est-ce que vous pensez qu'il recevait bien les enseignements de tous ces gens-là? Moi, je suis de Paul. Est-ce que je reçois bien l'enseignement des autres? Moi, je suis de Céphas. Est-ce que je reçois l'enseignement des autres? Pourtant, tous ces gens-là, Paul, Apollos, Céphas, est-ce qu'ils étaient en désaccord entre eux? Est-ce que c'est le désaccord de ces personnes-là qui amenait le désaccord dans l'Église? Est-ce qu'ils prêchaient différemment l'un de l'autre? Des choses contradictoires, des évangiles différents? Non. Pas du tout. Pas du tout. Christ n'était pas divisé. Il n'est pas encore divisé. Mais dans l'Église, il y avait un esprit de parti. Des esprits de parti. Des partis, en tout cas. Et on faisait une interprétation avec les différents enseignements. Et on n'avait pas une même pensée. Moi, dans mon contexte familial, moi je demeure à Saint-Charles, c'est à ceci de particulier que je reste sous le même toit. Jean-Claude, mon beau-père. Jean-Claude n'est pas seulement mon beau-père. Il est également un ancien dans cette église. Si moi, là, je suis en désaccord avec ce que Jean-Claude enseigne, qui, soit dit en passant, enseigne après s'être mis d'accord avec les autres anciens. Si moi, je suis en désaccord avec Jean-Claude, avec les anciens, et que j'enseigne à mon fils ou à mes fils, on verra ce qui s'en vient. J'enseigne différemment. Écoute, fiston, papa, là, il croit pas à ça. Papa, il croit ça, là. Il croit pas à ça. Il croit ça. Bon, ça, je le dis ouvertement, là, mais il y a toutes sortes de façons dont je peux l'enseigner subtilement. Qu'est-ce que j'enseigne à mon fils? C'est quoi le véritable enseignement qu'il reçoit? Si papa peut choisir dans les enseignements qu'il reçoit ceux auxquels il se soumet, si lui fait ça envers l'autorité dont il relève, ben moi aussi, je peux faire ça envers l'autorité dont je relève. Et l'autorité dont je relève, c'est papa. Je suis en train de lui montrer à faire exactement la même chose envers moi. Sauf que je tolérerai pas ça, moi. Je tolère pas que mon fils me dise « Excuse papa, mais c'est parce que non, j'ai pas cette conviction-là. Non, je t'obéirai pas. » Non, ça passe pas. Mais pourquoi ça passerait envers mon beau-père ancien, mon ancien beau-père? Mais à Saint-Charles, tout ce que ça fait, c'est que ça met la situation en évidence plus rapidement. Parce qu'on vit sous le même toit. Ça va être évident tôt ou tard. Mais quand on vivait pas sous le même toit, là, quand on vivait chacun dans nos maisons séparément, est-ce que j'étais tenu à autre chose? Est-ce que je pouvais faire autre chose? Selon les Écritures? Non, j'étais tenu à la même obéissance, si je peux dire, excusez-moi d'employer ce terme, à la même soumission. À la même obéissance à la parole. Et est-ce que c'est différent, par exemple, entre moi, aujourd'hui, moi, mon fils, et Jean-Claude, Gilles, Michel? Est-ce que je peux enseigner contrairement, différemment? Est-ce que c'est différent entre Guillaume, Phébé et Jean-Claude, par exemple, ou mon père, Gilles, pas Gilles, Christian? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent pour quelqu'un ici d'entre nous? Est-ce que moi, est-ce que faut comprendre les Écritures, ce que je comprends du rôle des époux, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, comment je vis à la maison, comment moi et ma femme essayons de vivre selon la parole. C'est un petit passage là. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Supposez que ma femme... m'arrive un beau jour et dise... là, chérie, là, ce que tu as dit là, aux enfants, là, ben moi, je suis pas convaincu, fait que je leur ai dit de faire autre chose. Est-ce qu'il y a un problème ici? Est-ce qu'il y a un problème par rapport au rôle? Est-ce que c'est ça, là, la soumission même aux maris qui prennent des mauvaises décisions, là, qui n'obéissent pas à la parole? Ou supposer qu'elle ne me le dise même pas, puis qu'elle le fasse sans me le dire. Mais moi, là, la soumission envers l'autorité dont je relève, là, c'est pas différent. Pourquoi est-ce que je ne tolérerais pas ça de ma femme? Façon de parler, là, ne pas tolérer veut dire... C'est répréhensible, je vois que c'est répréhensible. Mais moi, là, envers l'autorité dont je relève, qu'est-ce qui est différent? Est-ce que je ne suis pas tenu aussi à ce même genre de soumission? Par la foi. Avoir une même pensée, tenir un même langage, il y a un prix à payer. Les anciens se mettent d'accord avant d'enseigner. Et une fois qu'ils ont enseigné, ils vivent selon ce qu'ils ont enseigné. On a enseigné sur le mariage, répudiation, divorce, si vous voulez, remariage. On a ici un ancien parmi nous, Jean-Claude. On lui a demandé de célébrer, c'était ça? Non, de prêcher. De prêcher au mariage de frères, d'amis à Shawinigan. C'était le mariage d'un frère avec une femme divorcée. Au risque de perdre ses amis, ses amitiés, il n'a pas pu ni même être présent. Est-ce qu'on est tenu à moins, nous, qui n'avons pas enseigné, qui avons reçu l'enseignement? Je vous ramène toujours, est-ce qu'on a une même pensée? Est-ce qu'on tient le même langage? Mais quelle attitude de cœur on doit avoir? Quel est le cœur obéissant? Recevoir avec douceur la parole. Chercher à comprendre sincèrement ce qui m'est enseigné. Chercher à comprendre ce que l'autre dit. M'oublier là, un instant pour comprendre ce que l'autre dit. Pas chercher à débattre vainement. Si vous avez un jour le cœur de le faire, on est averti plusieurs fois dans les Écritures d'éviter les vaines discussions, les discussions folles, les disputes, les discussions de doctrine. Non, je pense que c'est vraiment l'expression, les discussions de doctrine. Si je me souviens bien, vérifie. Eh bien, la bonne attitude évite ces discussions-là. Donc, elle ne cherche pas à débattre. On peut s'exprimer, on peut poser des questions, mais toujours avec douceur, toujours avec respect, avec soumission. Mais chercher à comprendre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, à travers les anciens, c'est qu'on croisse, qu'on soit édifié, qu'on croisse en intelligence, dans la connaissance du Fils de Dieu. Et pas juste qu'on obéisse à la contrainte. Est-ce que je vais recevoir un enseignement qui est différent de ma compréhension première? Est-ce que je vais le recevoir avec douceur? Ou si je vais tout de suite fermer la porte? Après avoir cherché le plein accord, supposer que je comprends toujours pas, qu'est-ce que je vais faire? Remarquez que souvent, c'est des petites virgules, c'est des problèmes de communication, mais supposez quand même que je me rende jusqu'à ne pas comprendre, même après avoir échangé abondamment et tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Comment va se manifester ma foi? Ma foi envers Dieu, évidemment. Ah, ben, je suis pas convaincu, là, je vais... Faut continuer d'y réfléchir. Supposer, je reprends mon modèle, moi, avec mon fils. Bon, fiston, écoute, je suis toujours pas convaincu, là. Fait que, crois ça, crois pas ça. Non, le Seigneur, il suspend pas ses exigences envers moi. le temps que je me sois ressaisi, que j'ai, je sais pas moi, que j'ai vécu. Non, non, l'ordre est encore là, je peux pas le cacher. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais m'accorder? Comment est-ce qu'on va être ensemble d'un plein accord, dans une même pensée, tenir un même langage? Oh, c'est difficile, là. Ce que j'enseigne à mon fils, là, c'est de la rébellion. Désolé, le mot est dur, mais c'est de la rébellion. Tu peux choisir à quoi tu vas te soumettre. Peut-être qu'il choisira pas souvent de se soumettre à grand-chose, en fait. Moi aussi, là, j'ai le même choix, là, pour ma vie, par rapport aux autorités dont je relève. Est-ce que je me soumette ou je me rebelle? Moi, je lutte beaucoup avec ça. Il y a un proverbe, là, auquel je m'accroche. Quand je lutte, pas un proverbe biblique, un proverbe qui me donne la misère. Charbonnier est maître chez soi. Ça veut dire que même le plus pauvre des travailleurs peut commander chez lui. J'aime pas ça. Qu'on me dise quoi faire chez moi. Est-ce que je suis de boche chez moi, coudonc? Ça vient me chercher, là. Mais c'est quoi que ça vient me chercher chez moi? Mais c'est quoi ma perception, en fait, aussi? C'est mon orgueil que ça vient chercher. Quand je fais ça, j'ai pas du tout concédé. Pas du tout. Saisis mon rôle d'esclave en Christ. Et je ne suis pas en train de croire que les anciens sont là, établis par Dieu. Pour notre édification, dont la mienne. Alors, supposons que je comprends toujours pas l'enseignement. Savez-vous quoi? La bonne attitude, elle va se soumettre par la foi. Elle va concéder sans murmurer. Oh, concéder! Ça aussi, c'est tellement négatif. Concéder. La bonne attitude, elle croit et elle considère que c'est Dieu qui a établi des modèles sur son troupeau et qu'il les utilise et qu'il œuvre à travers ces modèles-là. Pas juste à travers eux, mais à travers eux, entre autres. C'est vraiment la soumission à Dieu à travers les anciens. C'est très inconfortable. C'est très inconfortable pour la chair. C'est un peu la comparaison qu'on peut faire entre Israël qui avait des juges et qu'il y avait Dieu comme roi. Mais ils ont rejeté leur roi et ils ont voulu un roi visible qui les commande, qui a pouvoir sur eux. au lieu de se soumettre à Dieu à travers les juges, on veut être dominé par un roi. C'est comme l'autre extrême. C'est pas non plus la bonne formule de s'attacher à un homme au lieu de s'attacher à Dieu. Et de vouloir s'attacher à Dieu en refusant les modèles qu'il établit n'est pas non plus la bonne formule. La bonne formule, c'est « je me soumets à Dieu à travers les anciens ». Et donc, ce que les anciens enseignent n'est pas facultatif, ne peut pas être ah, c'est bon, ok, j'ai entendu. À dimanche prochain. J'aimerais vous rappeler un enseignement qu'on a reçu, parce que je sais que pendant que je suis en train de parler, il y a des craintes là, qui naissent en vous, ou qui sont déjà là, qui sont attisées. Je sais simplement parce que je les aime. Mais je vais vous ramener la situation d'un enseignement qu'on a reçu ici, qui, je l'espère, la façon dont on va pouvoir en parler, va répondre à ces craintes-là. Mais ultimement, je ne pourrais pas vous convaincre. C'est une question de foi. De foi en Dieu. Que même à travers des hommes faillibles, il prend soin de nous. Et il veut qu'on dépende de lui. Et je crois sincèrement que c'est le désir des anciens. Vous souvenez-vous, on a reçu ici un enseignement, 1 Corinthiens 11, le voile. Le voile. Ça remonte à plusieurs années. Comment ça a été apporté? Les anciens ont exposé ce qu'ils croyaient dans la parole, ce qu'ils comprenaient dans la parole. Ensuite, ils ont averti que chacun ait une pleine et entière conviction dans son cœur. Que ceux qui n'ont pas la conviction ne méprisent pas ceux qui l'ont, et que ceux qui l'ont ne jugent pas ceux qui ne l'ont pas. Est-ce que vous vous souvenez? Ça a été dit clairement. Aller chercher les cassettes. Maintenant, c'est un enseignement qu'on a reçu des anciens. Nos convictions, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la parole de Dieu qui dit d'avoir une même pensée, un même sentiment, de tenir le même langage, et nos convictions? Est-ce que c'est contradictoire? Ça a l'air contradictoire. Comment est-ce qu'on va réconcilier ça? Est-ce qu'on peut faire un compromis sur la vérité? Non. Est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on va réconcilier ça? Je ne peux pas prendre le parti de choisir entre les deux. Je ne peux négliger ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas dire, c'est ma conviction, on marchera d'un même pas, on aura une même pensée plus tard. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas en train de rechercher un plein accord quand je fais ça. Et si on n'est pas d'accord, je suis appelé à rechercher activement un plein accord. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je n'ai pas demandé si ça vous plaisait, par exemple. Est-ce que c'est clair? Pas que je veuille vous déplaire, c'est pas mon but. Mon but, c'est qu'on soit convaincu qu'on est appelé de tout notre être à avoir une même pensée, à tenir un même langage, à se mettre d'accord, et qu'on comprenne le prix qu'il faut payer. Est-ce que la façon dont ça nous a été amené, c'est comme en Corée du Nord? Il fallait absolument faire tout comme le cher leader dit. Excusez, là, c'est ma compréhension que j'ai de la Corée du Nord. J'ai jamais mis les pieds. Je suis obligé de me croire, de croire ce qu'en disent les médias. Je ne vais pas insulter personne. Mais est-ce que je suis obligé de me plier à ce que le cher leader a dit, stupidement, bêtement, en m'attachant à l'homme? Est-ce que c'est comme ça que ça a été apporté, 1 Corinthiens 11? Est-ce qu'il nous a été prêché de devenir tous des clones les uns des autres, dans le sens de on va aimer la même nourriture, on va se peigner tout de la même façon, là. Les hommes, ça va être une oreille ici, à gauche, puis la couette de l'autre bord, on va s'habiller pareil, hein, on va devenir tous des gens copie carbone. Non. Jamais les dons et le caractère unique que Dieu, comment Dieu nous a fait, a été nié. Est-ce que ça faisait sectaire? Est-ce qu'on était dans une secte, là, à la Jim Jones? Est-ce que les anciens ont voulu, si vous me permettez la comparaison, de juges qu'ils sont, devenir les juges là, du temps des juges, devenir des rois et remplacer Dieu? Est-ce qu'ils vous ont encouragé à marcher sur vos convictions et avoir des problèmes de conscience, dans le sens de, vous avez un doute au sujet d'une action, ils vous ont encouragé à passer outre et à pécher dans votre conscience et dans votre cœur. Non. Non. Est-ce que c'est des craintes qu'on a? Non. Tu sais, dans le background, peut-être qu'on a ces craintes-là des fois. Qu'on aime donc pas ça, être dominé. Est-ce que c'était de la domination? Non. Parce que, on l'a vu dans 2 Corinthiens, mais pas seulement là. Ce que les anciens recherchent, c'est notre cœur qui dépend de Dieu. Et le prix à payer, il passe obligatoirement, le prix à payer pour avoir une même pensée, il passe obligatoirement par l'humilité, par le dépouillement. Philippiens 2, là, qu'on a lu tout à l'heure, le modèle de Christ. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considérez vraiment là, les doctrines avec lesquelles on a de la misère, là. Avec lesquels on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de doctrines fondamentales? Excusez, c'est long. Est-ce qu'il y a beaucoup de doctrines fondamentales qui nient la divinité de Christ, par exemple? Non, il y a beaucoup de petites choses, je vous dirais, qui sont complètement indignes qu'on ne se mette pas d'accord. Et je ne juge personne. J'ai de la misère. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée. Proie à arracher. Si c'est ça qui caractérise ma recherche de la face de Dieu, je ne suis pas en train de rechercher la face de Dieu. Ça va juste mener dans des débats, des vaines discussions, et je ne reçois pas la parole avec douceur. Qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme. Vous avez serviteur, mais vous savez maintenant que ça veut dire esclave. Le plus méprisable des esclaves. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a payé l'humilité, la mort, l'esclavage en pratique. Alors, j'espère que ces craintes-là, j'espère, par le souvenir que j'ai évoqué, vous avoir donné des réponses pour y faire face. Et que ces craintes-là ne soient jamais un prétexte dans nos vies pour ne pas avoir la bonne attitude et pour refuser d'entendre la vérité.